bonne. Quand arrive la Saint-Jean, je suis fleurisée. Je veux mon pays, je suis politisé. Je suis québécois, j'en ai bané. Les chansonniers, je me fais patriote, j'ai toute une fierté. Je suis québécois, une journée balanée. Je ne parle que le français. Je veux rien savoir des Anglais jusqu'à demain. Le soir du 24, je suis un fédéraliste mou.